Bill commence à dépecer l'ours. Prends garde, il a bougé. Mais Sir Ubu, il est déjà tout froid. Bah c'est dommage, il aurait mieux valu le manger chaud. Ceci va procurer une indigestion au maître des finances. C'est révoltant. Aidez-nous un peu, Monsieur Ubu. Je ne puis faire toute la besogne. Non, bah je ne veux rien faire, moi. Bah je suis fatigué, bien sûr. Quelle neige, mes amis! On se dirait en Castille ou au pôle Nord. La nuit commence à tomber. Dans une heure, il fera noir. Hâtons-nous pour voir encore clair. Oui, oui, entends-tu, Pile? Hâte-toi. Hâtez-vous tous les deux. Embrochez la bête, cuisez la bête. Voilà, j'ai faim, moi. Ah, c'est trop fort à la fin! Il faudra travailler ou bien tu n'auras rien. Entends-tu, goinfre? Bon, ben, ça m'est égal. Moi, j'aime autant le manger tout cru. C'est vous qui serez attrapé. Et puis, j'ai sommeil, moi. Que voulez-vous, Pil? Faisons le dîner tout seul. Il n'en aura pas, voilà tout. Ou bien, on pourra lui donner les os. C'est bien. Ah, voilà le feu qui flambe. Ah, c'est bon, ça. Il fait chaud, maintenant. Mais je vois des Russes partout. Quelle fuite, grand Dieu! Il tombe endormi. Je voudrais savoir si ce que disait Renski est vrai, si la mère Ubu est vraiment détrônée. Ça n'aurait rien d'impossible. Finissons de faire le souper. Non, nous avons à parler de choses plus importantes. Je pense qu'il serait bon de nous enquérir de la véracité de ces nouvelles. C'est vrai. Faut-il abandonner le père Ubu ou rester avec lui? La nuit porte conseil. Dormons. Nous verrons demain ce qu'il faut faire. Non, il vaut mieux profiter de la nuit pour nous en aller. Partons alors. Ils partent.